الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالكلمة ستكون حول أصل الإسلام الأصيل، ألا وهي الركن الأول من أركان الإسلام، وهما الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. وفي هذا الدرس الأول سيكون الحديث عن الشطر الأول، وهو الشهادة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. Donc, la parole qui va suivre concerne une question très importante qui est la base même des bases de la religion, qui est le premier pilier de l'islam, qui sont les deux attestations. L'attestation que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Et dans ce qui va suivre, on va voir cette première partie, le premier témoignage, qui est le témoignage de la ilaha illallah, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. وهذا الكلام مأخوذ من رسالة للعلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان من كبار علماء المملكة السعودية بالرياض، بعنوان معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها. Et la parole concernant la ilaha illallah est tirée d'un écrit du grand savant, le cheikh, le docteur Salih ibn Fawzan ibn Abdillah al-Fawzan, parmi les éminents et les grands savants d'Arabie qui est à Riyad, qui a pour titre le sens, la définition de la ilaha illallah, ce qui en découle, et ainsi que les conséquences de cette parole. Makanatu la ilaha illallah fil hayat, la place de la ilaha illallah dans la vie. إنها كلمة يعلنها المسلمون في آذانهم وإقامتهم وفي خطبهم ومحادثاتهم. C'est la parole formulée par les musulmans lorsqu'ils font l'appel à la prière, lorsqu'ils font l'iqama, de leur discours et leur prêche. وهي كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات. C'est une parole sur laquelle repose la création des cieux et de la terre, et c'est pour cette parole que toutes les créatures ont été créées. إن الله تبارك وتعالى يذكر في القرآن أنه تعالى خلقنا من أجل عبادته سبحانه وتعالى. فقال تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لإقامة التوحيد. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous informe de la raison pour laquelle il nous a créés. C'est pour son adoration. Il nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum a dit: que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils appliquent le monothéisme, le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه. Et avec cette parole, cette attestation de la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers, a fait descendre ses livres et a légiféré ses lois. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما الله لدينا القرآن dans le sens du verset: et nous avons envoyé à chaque nation un messager qui appelle son peuple, qui invite son peuple à l'adoration. Adorez donc Allah et délaissez, éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة. Et avec cette parole, pour cette parole, les balances ont été établies et ont été mis les registres. Et pour cette parole, il y a eu le marché du paradis et de l'enfer. Car la demeure finale de toute personne, que ce soit au paradis ou en enfer, qu'Allah nous en préserve, dépend de la situation de la personne par rapport à cette parole. Et avec cette parole, les gens ont été divisés en deux. D'un côté les croyants et de l'autre les mécréants. Donc, elle est la base même de la création, de l'ordre, de la rétribution, de la punition. Et pour cette parole, une direction nous a été donnée, la Qibla. Et il y a eu, de par cette parole, la fondation d'une communauté. وَهِيَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ فَهِيَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ وَمِفْتَاحُ دَارِ السَّلَامِ وَعَنْهَا يُسْأَلُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. Et elle est cette parole, cette attestation, le droit d'Allah sur toutes les créatures, sur tous les serviteurs. Elle est la parole de l'islam et elle est la clé de la demeure de la paix, la clé du paradis. Et sur cette parole, sur cette attestation de foi, seront questionnés les premiers et les derniers. Dans le hadith, النبي عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب أحدا لم يشرك به شيئا، أو كما جاء في الحديث. نظر حديث للبروفيت عليه الصلاة والسلام ديا معاذ بن جبل رضي الله عنه: أو معاذ، sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures, sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Il dit: je dis Allah et son messager savent plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui a rien associé. فَلَا تَزُولُ قَدَمَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ مَسْأَلَتَيْنِ. Donc, toute personne, يوم القيامة, le jour du mois dernier, ne fera pas de pas tant qu'il n'a pas été questionné sur deux choses, deux points. مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Qu'est-ce que vous adoriez? Et qu'avez-vous répondu à l'appel des envoyés et des messagers? وَالْجَوَابْ. Et la réponse. الْأُولَى. جَوَابْ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ. مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. La première réponse qui concerne la première question, qu'est-ce que vous adoriez, c'est la réalisation de la première shahada, la ilaha illallah, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. En comprenant son sens, en l'acceptant, en s'y soumettant et en le mettant en pratique. فَلَا يَكْفِي فَقَتَ التَّلَفُّظْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَوْ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بدون دراية عن معناها وما تتطلبه هذه الكلمة الطيبة. Donc ça ne suffit pas seulement de formuler par la langue la ilaha illallah et de ne pas chercher à comprendre le sens réel de la ilaha illallah et d'appliquer ce que demande la ilaha illallah. وجواب الثانية يعني الجواب للسؤال الثاني وماذا أجبتم المرسلين هو بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وانقيادا وطاعة. Et la deuxième réponse concernant la deuxième question, qu'avez-vous répondu à l'appel des messagers? C'est en réalisant Muhammad رسول الله, que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En comprenant le sens de cette attestation, en s'y soumettant et en y obéissant. Fadlu la ilaha illallah. Le mérite, les vertus de la ilaha illallah. Falaha fada'ilu azimah. ولها من الله مكانة. Cette belle parole, la ilaha illallah, comporte des vertus énormes, grandioses, et elle a une place certaine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. من قالها صادقا أدخله الله الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله في الدنيا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Celui qui la formule, qui la prononce avec véracité, véritablement de son cœur, Allah le fera entrer au paradis. Et celui qui la formule, qui la prononce avec sa langue, mais mensongèrement, ce qu'il formule est contraire à son fort intérieur, à ce qu'il y a en réalité dans son cœur, car il cache la mécréance et il fait apparaître l'islam en disant « La ilaha illallah ». Pour celui-là, le fait qu'il ait fait apparaître cela préservera son sang ainsi que sa richesse et ses biens dans ce bas monde. Et son jugement sera auprès d'Allah Azza wa Jal. يعني هذا حال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله الذين أنزل الله فيهم سورة تتلى إلى يوم القيامة ألا وهي سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الذين قال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم والذين قال الله تعالى فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Les hypocrites, les grands hypocrites qui font apparaître l'islam et qui cachent la mécréance dans leur intérieur, sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a révélé une sourate qui est récitée jusqu'à la fin du monde, la sourate Al-Munafiqoun, les hypocrites, qui commence par ces versets, dans le sens du verset, lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Mais Allah sait que tu es son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont menteurs. Ces hypocrites sur lesquels Allah a dit, sur certains parmi eux, qui étaient des bédouins, qui vivaient aux alentours de Médine, ces bédouins ont dit, nous avons cru, dit, vous n'avez pas cru, mais dites seulement que vous vous êtes soumis, que vous êtes musulmans, et la foi n'est toujours pas entrée dans votre cœur. Les hypocrites sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le sens du verset, certes, les hypocrites sont au plus bas degré du feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. وهي كلمة وجيزة اللفظ قليلة الحروف. Et c'est une parole très facile et simple à prononcer, à formuler, et qui comporte très peu de lettres. خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. Elle est légère à la langue, elle n'est pas lourde à dire la ilaha illallah. Elle est très simple à dire. Elle est légère sur la langue, mais elle est lourde sur la balance. فَقَدْ رَوَى إِبْنُ حِبَّانِ وَالْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا رَبْ عَلِّمْنِي شَيْئًا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فالحديث يدل على أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر. Et les deux imams, Ibn Hibban ainsi que le Hakim, rahimahum Allah, et qui l'a authentifié, rapportent d'après le compagnon Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, a dit, ô mon Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je me rappellerai de toi et je t'invoquerai. Allah lui dit, ô Moussa, dis la ilaha illallah. Et Moussa dit, ô mon Seigneur, mais tous tes serviteurs disent cela. Et Allah de lui dire, ô Moussa, si les sept cieux et tous ceux qui y habitent en dehors de moi, ainsi que les sept terres étaient posées sur le plateau d'une balance et la ilaha illallah était posée sur l'autre plateau, eh bien la ilaha illallah sera bien plus lourde. Le hadith prouve que la ilaha illallah est le meilleur des rappels. وكما جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Et comme d'autres hadiths aussi dans lesquels le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, celui dont la dernière parole de ce bas monde est la ilaha illallah entrera au paradis. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. Celui qui dit la ilaha illallah par véracité de son cœur, entrera au paradis. Man qala la ilaha illallah, la yuridu bithalika illa wajhallah, harramallahu alayhi nar. Celui qui dit la ilaha illallah, ne voulant par là que la face d'Allah, Allah lui interdit l'entrée dans le feu de l'enfer. La taqumu sa'a, wa fil ardi man yaqulu la ilaha illallah. L'heure ne sonne pas alors que sur terre il y a une personne qui dit la ilaha illallah. Rukna la ilaha illallah. Les deux piliers de la ilaha illallah. Laha ruknan. Donc la ilaha illallah, cette attestation que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, elle comporte deux piliers. Ar-ruknul awwal النفي والركن الثاني الإثبات. Le premier pilier de la ilaha illallah, c'est la négation. Et le deuxième pilier de la ilaha illallah, c'est l'affirmation. والمراد بالنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من سائر المخلوقات. Et ce qui est voulu par la négation, c'est le rejet de la divinité à tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures. فعندنا هذه الشهادة لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي. لا يوجد إله حقيقي. لا يوجد معبود حقيقي إلا الله وهذا هو الإثبات فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق وهو المعبود الحق سبحانه وتعالى فقول لا إله إلا الله نفي لكل ما يعبد من دون الله أيا كان من المخلوقات وكل ما سوى الله فهو من المخلوقات فالله خالق وكل ما دون الله فهو مخلوق فتنفي الإلهية عن الأنبياء والرسل وعن الملائكة وعن الصالحين وعن الناس والجن وعن الشجر وعن الحيوان وعن الشمس والقمر وعن الكواكب وعن كل ما سوى الله. لا يوجد إلا إله حق وهو الله سبحانه وتعالى، وتثبت هذه الإلهية وهذه العبادة لا يستحقها إلا رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. Donc, dans l'attestation, nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, c'est la négation. Le rejet de divinité ou d'adoration donnée à autre que Allah parmi les créatures. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul créateur. Et tout ce qui est en dehors de lui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas dignes d'être des divinités ou d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles que soient ces créatures, des prophètes ou des messagers, des anges, des humains ou des djinns, la faune ou la flore, les animaux, le soleil, la lune, les astres, tout ce qui est en dehors d'Allah n'est pas digne d'être adoré et ne mérite pas l'adoration et d'être une divinité. Et tu affirmes, sauf pour Allah, tu affirmes que le seul qui est en droit d'être adoré, la seule divinité véritable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. لا إله إلا الله عندنا كلمة إله والإله بمعنى المألوه أله يأله إلهة يعني عبد يعبد عبادة والمألوه هو المعبود فيخطئ من يفسرها بتفسير غير صحيح حينما يقول لا إله إلا الله بمعنى أن الله هو الخالق والرازق والمدبر هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله هذا داخل في لا إله إلا الله لا إله في كلمة إله فهنا تعني توحيد العبودية توحيد الألوهية توحيد العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى فالتوحيد كما Donc, je disais, une explication linguistique du terme « ilah » qui veut dire « celui qui est adoré ». « Ilah », c'est celui qui est adoré, qui vient du verbe « alaha ya'lahu » qui veut dire « adoré ». Et donc, se trompe ceux qui viendraient définir faussement cette attestation par une définition altérée. Lorsqu'ils disent « La ilaha illallah », ça veut dire que Allah, c'est lui qui a créé, que c'est lui qui pourvoit, que c'est lui qui donne la vie et la mort. Ça fait partie de « La ilaha illallah », mais ce n'est pas le sens de « La ilaha illallah », car il y a le terme « ilah » et ici, c'est l'adoration qui doit être donnée et rendue exclusive qu'à Allah seul, sans rien lui associer. سبحانه وتعالى والعلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات Les savants nous disent que le monothéisme se divise en trois parties l'unicité d'Allah dans la seigneurie L'unicité d'Allah dans la divinité, et qu'on appelle aussi l'unicité d'Allah dans l'adoration, et l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. فتوحيد الربوبية يراد به توحيد الله في أفعاله هو سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق لا خالق مع الله، هو الرازق لا رازق مع الله، هو المدبر لا مدبر مع الله، وهو هو المحيي وهو المميت وله الأمر والحكم سبحانه وتعالى. Donc, l'unicité d'Allah dans la seigneurie concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul à les faire. Il n'a pas d'associé. Allah, il a créé, il n'y a pas de créateur avec Allah. Allah, c'est lui qui pourvoit, il n'y a aucun pourvoyeur avec Allah. Allah, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. À lui appartient le jugement et l'ordre, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas d'associé. Et ça concerne les actes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah, توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهنا المراد به أفعال العباد، أفعال الناس إذا قاموا بعبادة أن يخص بها الله سبحانه وتعالى، أن يعملوها لله تبارك وتعالى، ولا يعطوا شيئا من هذه العبادات L'unicité d'Allah dans la divinité, qu'on appelle aussi dans l'adoration. Et cette partie d'unicité concerne les actes des créatures, les actes des gens. Lorsqu'ils accomplissent une quelconque adoration, ils la réservent spécialement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'accomplissent pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. ما هي العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Qu'est-ce que l'adoration? Comme l'a expliqué شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, l'adoration c'est un terme général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes intérieurs et extérieurs. فهناك عبادات هي من أعمال القلب وهناك عبادات هي من أعمال الجوارح والإيمان كما يقول أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. Et comme l'expliquent les savants de la Sunna, la foi, c'est sa définition, c'est une parole de la langue, une conviction dans le cœur et des actes par les membres du corps. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة وفي رواية بضع وسبعون شعبة فهو أكثر من سبعين شعبة وكلمة بضع هي ما بين ثلاث إلى تسع عند العرب فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi, c'est plus de 70 branches. » Il a employé le terme « bid'a » avec 70. Et le terme « bid'a » en arabe englobe tous les chiffres entre 3 et 9. C'est-à-dire c'est 73 ou 74 ou 75 jusqu'à 79. Et dans une autre version, c'est plus de 60 branches, et là aussi le terme bid'a est employé. Mais de là on comprend en un semblant entre ces textes qu'il y a plus de 73 ou plus branches de la foi. La plus haute de ces branches, c'est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'enlever l'obstacle du chemin des gens. Et la pudeur est une des branches de la foi. ففي هذا الحديث ذكر أن شعب الإيمان أكثر من 70، وذكر منها الأعلى. الأعلى هي قول لا إله إلا الله، وذكر الأدنى وهو إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب ومنها شعبة الحياء. Donc le prophète sallam nous précise, nous informe qu'il y a plus de 70 branches de la foi. Et il nous précise certaines d'entre elles. Il nous dit la plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'enlever l'obstacle du chemin. Donc il nous cite la plus haute et la plus basse. Et entre les deux, il y a plein de branches, parmi lesquelles celle qui nous a cité le prophète sallam, la branche de la pudeur. طيب ففي هذا الحديث دليل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل بالجوارح. Dans ce hadith, il y a une preuve que la foi, c'est une parole de la langue, que la foi, c'est une conviction dans le cœur, et que la foi, c'est des actions des membres du corps. قال قول لا إله إلا الله وهذا قول باللسان وهي من شعب الإيمان وقال إماطة الأذى عن الطريق وهذا من أعمال الجوارح وهي شعبة من شعب الإيمان وقال والحياء شعبة من الإيمان والحياء خلق قلبي فاجتمع في هذا الحديث تفسير أو بيان معنى الإيمان كما يذكره أهل السنة. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم dit le plus haut degré, c'est de dire la ilaha illallah. Et ça, c'est une parole de la langue. Et il dit que c'est le plus haut degré de la foi. Ça fait partie de la foi. Il dit le plus bas, c'est d'enlever l'obstacle du chemin. Et ça, c'est une action des membres du corps. Et il dit que c'est la plus basse, le plus bas degré de la plus basse branche de la foi. Donc, les actions des membres font partie de la foi. Et il a cité la pudeur. Et la pudeur est une action du cœur, de l'intérieur. Et donc, on retrouve dans ce hadith la preuve de la définition de Ahl Sunnah de la foi, qu'elle est une parole de la langue, une conviction dans le cœur et des actions par les membres du corps. معنى الكلمة ومقتضاها. Le sens de cette parole et ce qui en découle. اتضح مما سبق أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له لأنه المستحق للعبادة. Donc il a bien été clair dans ce qu'on a vu précédemment que le sens, la définition de la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a pas que personne n'est digne d'être adoré si ce n'est qu'une seule divinité qui est Allah, qui n'a pas d'associé. Pourquoi ? Parce que lui seul mérite l'adoration. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق وأنه باطل. Et on comprend de ce qu'on a vu précédemment que cette parole comporte que tout ce qui est en dehors d'Allah, parmi les divinités qui sont adorées en dehors de lui, ne sont pas une véritable divinité, mais plutôt, ils ne sont que de fausses divinités. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. « ولهذا كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Dans le sens du verset, ceci parce qu'Allah est la véritable divinité. Et tout ce qui est invoqué, adoré en dehors de lui, n'est que fausse divinité. Et qu'Allah, il est l'élevé et il est le puissant, subhanahu wa ta'ala. ولهذا كثيرا ما يرد الأمر بعبادة الله مقرونا بنفي عبادة ما سواه. Et c'est pour cela que souvent on retrouve dans les textes lorsqu'il y a l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il est rattaché à l'ordre de délaisser, de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. On retrouve dans les textes l'ordre d'adorer Allah et l'interdiction d'adorer autre que lui. لأن عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره معه. Car on ne peut adorer Allah et au même moment on adore avec Allah autre que lui. Celui qui fait ça n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est nullement dans le besoin de cette forme d'adoration. Celui qui adore vraiment Allah, il l'adore seul, sans rien lui associer. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah le Très-Haut a dit dans le sens du verset et adorez Allah et ne lui associez rien. واعبدوا الله إلا الله ولا تشركوا به شيئا لا إله. هنا إثبات ونفي. تعبد الله وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا نفي الإلهية عن غيره سبحانه وتعالى. Donc on retrouve cette attestation dans ce verset. وَعْبُدُ اللَّهِ sauf Allah, lui seul est en droit d'être adoré. Et n'associez rien à lui, ne lui associez rien, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. شروط لا إله إلا الله. Les conditions de لا إله إلا الله. فإنها لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط. Donc cette parole, cette formule qui est لا إله إلا الله, cette attestation de foi ne pourra être bénéfique pour celui qui la formule que si il vient avec ses conditions qui sont au nombre de sept. الأول premier. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. Premièrement, la science. Savoir que veut dire cette parole, en sachant que dedans, il y a une négation et il y a une affirmation. فمن تلفظ بها وهو لا يعرف معناها ومقتضاها فإنها لا تنفعه لأنه لم يعتقد ما تدل عليه كالذي يتكلم بلغة لا يفهمها. Donc, celui qui la formule en ne sachant pas sa définition et son sens, et ce qui est attendu par cette parole, ce qui en découle, elle ne sera pas bénéfique pour lui, car il n'aura pas eu la conviction de ce que prouve cette parole. Et cette personne sera comme une personne qui parle ou qui prononce des mots ou des phrases dans une langue qui ne comprend même pas. الثاني, deuxièmement, اليقين, la certitude. وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. La certitude qui est la perfection dans la connaissance de cette parole, contrairement aux doutes. الثالث, troisièmement, الإخلاص المنافي للشرك. La sincérité dans cette parole, contrairement au polythéisme. وهو ما تدل عليه لا إله إلا الله. Et voilà ce que prouve لا إله إلا الله. الرابع, quatrièmement, الصدق المانع من النفاق. La véracité, tu es véridique dans cette formulation qui empêche l'hypocrisie. فإنهم يقولونها بألسنتهم غير معتقدين لمدلولها. Car eux, les hypocrites, formulent, prononcent cette parole avec leur langue alors qu'ils n'en ont pas la conviction de son sens. Al-Khamis, cinquièmement, Al-Mahabba, لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك بخلاف ما عليه المنافقون. L'amour de cette parole et aimer ce qui est voulu et le sens réel de cette parole et d'en être joyeux de ce qui est demandé par cette parole, contrairement à l'état ou à la situation des hypocrites. السادس سيزيمان الانقياد بأداء حقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته وهذا هو مقتضاها. Sixièmement, de se plier à cette parole, de se soumettre à cette parole en appliquant ses droits qui sont les œuvres obligatoires, avec sincérité pour Allah et en ne cherchant par là que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà ce qui est voulu par cette parole. As-sabi', septièmement, al-qaboul al-munafi lir-rad, l'acceptation de cette parole contrairement au rejet. Wa dhalika bil-inqiyadi li-awamirillah wa tarki ma naha an. Et comment appliquer cette acceptation qui est le contraire du rejet? C'est en se soumettant, en se pliant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ses interdits. Wa hadhihi ash-shurut qad istanbataha al-ulama min nusus al-kitab wa as-sunnah allati ja'at bi khusus hadhihi al-kalima. Et ces conditions, les ulama, les savants, les ont déduites des textes du livre du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés au sujet de cette bonne parole qui est la ilaha illallah. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.